grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 19e épisode, le Major Cavalcanti. Poursuivant ses visites à tous ceux qui, 23 ans plus tôt, ont été, en bien ou en mal, liés à la tragique destinée d'Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo vient d'avoir une étrange conversation avec Héloïse de Villefort, seconde femme du procureur du roi. En effet, au cours de cet entretien, dont le comte a subtilement orienté le cours, Héloïse n'est pas parvenue à cacher l'intérêt malsain qu'elle porte à la vertu de certains poisons. Et elle s'est montrée ravie lorsque le comte lui a promis de lui faire parvenir la recette d'un élixir qui peut ou rendre la vie ou donner la mort. Durant cette brève incursion chez les Villefort, nous avons également appris que Valentine, fille d'un premier mariage du procureur, et Maximilien Morel, s'aiment en secret, alors que Villefort envisage de marier sa fille à Franz d'Épinay. Tout ceci s'est passé le 30 mai 1838. Et ce soir-là, Monte Cristo a promis à sa protégée Haydé de la mener à l'opéra afin d'y assister à la représentation de Robert le Diable. Monastère antique, voué par Rosalie, au culte du Seigneur. Dites-moi, mon cher Château Renaud, étiez-vous aux courses du Champ de Mars aujourd'hui? Oui, mon cher Albert, je vous y ai cherché en vain. Et qui a gagné? Nautilus, j'avais parié pour lui. 50 louis. Mais il y avait trois courses. Il y avait le prix du Jockey Club, une coupe d'or. Il s'est même passé une chose assez bizarre. C'est un cheval et un jockey complètement inconnus qui ont gagné cette course. Un cheval inscrit sous le nom de Vampa. Comment ? Monté par un jockey du nom de Job, gros comme le poing. On a été obligé de lui fourrer 20 livres de plomb dans ses poches, ce qui ne l'a pas empêché d'arriver au but trois longueurs avant Ariel et Barbaro. Un cheval inscrit sous le nom de Vampa. Il doit appartenir au comte de Monte Cristo. Puisque vous le dites. Ah, voilà des personnes de votre connaissance, vicomte. En vérité, je ne comprends pas ce que vous pouvez avoir contre Mademoiselle Eugénie d'Anglars. C'est une fort belle personne. En fait de beauté, j'aimerais mieux quelque chose de plus doux, plus féminin. Elle chante à ravir, dit-on. En effet. Mais elle parle aussi deux ou trois langues. Dessine facilement, fait des vers, compose de la musique. Elle est surtout passionnée par ce dernier art qu'elle étudie avec une de ses amies de pension. Jeune personne sans fortune, mais ayant toutes les dispositions possibles pour devenir une excellente cantatrice. On assure que Mademoiselle Louise d'Armilly, c'est le nom de la jeune virtuose, entrera un jour au théâtre. Ah bon ? C'est d'ailleurs pourquoi Mademoiselle d'Anglars, quoique la recevant chez elle, ne se montre point en public en sa compagnie. Mais elle la reçoit beaucoup chez elle. Et qui donc a repris la loge de l'ambassadeur de Russie ? Elle me semble remise à neuf. Je n'y ai encore vu personne. Oh, tenez, voilà qu'on y entre. C'est Monte Cristo et sa grecque. Tout le monde les regarde. Allons-y. Vous allez chez le comte de Monte Cristo? Non, je vais présenter mes devoirs à Madame la baronne d'Anglard et à sa fille. Saluez Lucien Debray pour moi, hein, je vois qu'il est là. L'étonnant serait qu'il n'y soit pas. Bonsoir, Lucien. Ah, mon cher. Vous voyez un homme à bout et qui vous appelle à l'aide. Voici madame qui m'écrase de questions sur le comte de Monte Cristo et qui veut que je sache d'où il est, où il va, alors que je lui ai dit, demandez tout cela à Morcerf. Il connaît son Monte Cristo sur le bout du doigt. Pour ma part, le comte n'a d'autre mérite que d'être deux fois riche comme un nabab. Vous savez qu'il a un crédit illimité sur la maison du baron et qu'il a annoncé qu'il comptait rester un an à Paris et y dépenser 6 millions. C'est le chat de Perse qui voyage incognito. Et cette femme qui est avec lui, monsieur Lucien, avez-vous remarqué comme elle est belle? En vérité, mademoiselle, je ne connais que vous pour faire si bonne justice aux personnes de votre sexe. Qui peut-elle être? Cette jeune femme est une grecque. Ah? Mais là se bornent mes connaissances. Je sais en outre qu'elle est musicienne, car un jour que j'ai déjeuné chez le comte, j'ai entendu les sons d'une gouzla qui ne pouvait venir que d'elle. Il reçoit donc votre comte? Oh, d'une façon splendide. Ah, il faut que je pousse d'Anglard à lui offrir quelques dîners, afin qu'il nous le rende. Comment? Vous irez chez lui? Mais il est garçon, ce mystérieux comte. Vous voyez bien que non. Cette femme est une esclave, à ce qu'il nous a dit lui-même. Elle a plutôt l'air d'une princesse. Elle est couverte de diamants. Elle en a même trop. Elle serait plus belle sans cela, car on verrait son cou et ses poignets qui sont charmants de forme. Oh, l'artiste! La voyez-vous qui se passionne? J'aime tout ce qui est beau. Que dites-vous du comte, alors? Il est bien pâle. Justement, c'est dans cette pâleur qu'est le secret que nous cherchons. Morcerf, vous devriez nous amener votre comte. Pourquoi faire? Pour lui parler. N'es-tu pas curieuse de le voir? Pas le moins du monde. Étrange enfant. Bon, je me sacrifie. Je vais tâcher de vous satisfaire, madame. Bonsoir, vicomte. J'ai pensé que vous veniez chez moi et je suis sorti pour vous accueillir. Bonsoir, comte. Je n'ai pas aperçu le comte de Morcerf. Il doit arriver d'un moment à l'autre. Il sera dans la loge de la baronne d'Anglard, qui, entre nous, serait ravie si vous lui faisiez l'honneur d'une petite visite. J'irai. Cette charmante personne qui est avec elle, c'est sa fille? Oui. Je vous en fais mon compliment. Oh, nous en reparlerons plus tard. Que dites-vous de la musique? Quand je veux entendre d'admirables musiques, de la musique comme jamais l'oreille mortelle n'en a entendu, je dors. Eh bien, mais vous êtes à merveille ici. Dormez, mon cher comte, dormez. L'opéra n'a pas été inventé pour autre chose. Votre orchestre fait trop de bruit. Pour le sommeil dont je vous parle, il faut le calme et le silence, et puis une certaine préparation. Ah, le fameux haschich. Quand vous voudrez entendre de la musique, venez souper avec moi. Et maintenant, excusez-moi, puisque la baronne souhaite ma présence. Et mon père devrait être arrivé. Oh, alors mon plaisir sera double. Venez, comte. J'avais hâte de joindre mes grâces verbales au remerciement écrit que je vous ai déjà fait. Oh, madame, oublions cette misère. Oh, et moi, dois-je oublier qui a tiré mon fils des mains des bandits romains? Monsieur, je suis honteux de vous retrouver encore si reconnaissant. Madame la baronne, faites-moi l'honneur, je vous prie, de me présenter à mademoiselle votre fille. Oh, ma fille, Eugénie, monsieur le comte de Monte Cristo. Mademoiselle. Vous êtes là avec une admirable personne, monsieur. Oui, c'est une pauvre grecque dont je suis le tuteur. Elle se nomme Haïdée. Comment? Une grecque? Ah oui, vous avez, m'a-t-on dit, comte, servi à Janina? J'ai été général instructeur des troupes du Pacha. Et mon peu de fortune vient des libéralités de l'illustre chef albanais. Tiens, que vient-il donc d'arriver à votre pupille, comte? Dirait qu'elle se trouve mal. En effet. Je vous demande de m'excuser. Que se passe-t-il, Aïdé? Avec qui causais-tu là-bas, Seigneur? Cet homme qui nous tourne presque le dos. Avec le comte de Morcerf, qui était au service de ton illustre père, et qui a voulu devoir sa fortune. Le misérable! C'est lui qui l'a vendu aux Turcs. Et cette fortune, c'est le prix de sa trahison. Ne savais-tu pas cela, mon cher Seigneur? J'ai entendu dire quelques mots de cette histoire. Mais j'en ignore les détails. Tu m'étonneras. Oui. Ça doit être curieux. Viens. Allons-nous-en. Juin 1838. Monsieur le vicomte de Morcerf, monsieur Lucien Debray. Ah. Cher vicomte, monsieur Debray, vous me voyez enchanté de votre visite. Dois-je vous dire, monsieur le comte, que madame la baronne d'Anglars m'a chargé de vous renouveler les remerciements qu'elle n'a pu vous adresser l'autre soir au théâtre. Non, laissons cela, monsieur Debray. Dites-moi, vicomte, vous êtes en rapport presque continuel avec le baron d'Anglars. Ce mariage tient donc toujours? Oh, plus que jamais. C'est une affaire arrangée. Mon père et monsieur d'Anglars ont servi ensemble en Espagne, mon père dans l'armée, monsieur d'Anglars dans les vivres. C'est là que mon père, ruiné par la Révolution, et le baron, qui lui n'avait jamais eu de patrimoine, ont jeté les fondements de leur fortune. Elle est jolie, mademoiselle Eugénie. Mais d'une beauté que je n'apprécie pas. Je suis un indigne. Vous ne me paraissez pas enthousiaste de ce mariage. Mademoiselle d'Anglars est trop riche pour moi. Bon, elle vous enrichira et vous l'anoblirez. Il y a aussi ma mère. Elle ne sourit pas à cette union. Elle a je ne sais quelle prévention contre les d'Anglars. Ah, que vous êtes heureux d'être libre. Mais soyez libre aussi, qui vous en empêche? Ce serait une trop grande déception pour mon père. Ah, alors épousez mademoiselle d'Anglars. Oui, mais pour ma mère, ce ne sera pas de la déception. Ce sera de la douleur. Alors ne l'épousez pas. Mais que faites-vous donc, monsieur Debray? Vous le voyez. Je vois que vous alignez des chiffres sur une page de ce petit carnet, mais encore... Je calcule ce que la maison d'Anglars a gagné sur la dernière hausse d'Haïti. De 206, le fonds est monté à 409 en 3 jours. Et le prudent banquier avait acheté beaucoup de 206. Il a dû gagner 300 000 livres. Ce n'est pas son meilleur coup. N'a-t-il pas gagné 1 million cette année avec les bons d'Espagne? Vous parliez d'Haïti? Le baron a revendu hier à 409. S'il avait attendu aujourd'hui, le fonds retombait à 205. Et il aurait perdu 20 ou 25 000. Et pourquoi le fonds est-il tombé? Je suis fort ignorant de ces intrigues de bourse. Il est retombé parce que les nouvelles se suivent et ne se ressemblent pas. Enfin, pour jouer à gagner ou à perdre 300 000 francs en un jour, il faut que le baron soit énormément riche. Oh, ce n'est pas lui qui joue, c'est madame d'Anglars. Et elle est intrépide. Mais vous qui êtes raisonnable, Lucien, et qui connaissez le peu de stabilité des nouvelles, puisque vous êtes à la source, vous devriez l'empêcher. Et comment le pourrais-je? En lui donnant une bonne leçon. Expliquez-vous. Votre position de secrétaire du ministre vous confère une grande autorité pour les nouvelles. Vous n'ouvrez pas la bouche, que les agents de change ne sténographient vos paroles. Faites perdre à la baronne une centaine de mille francs et cela la rendra prudente. Mais comment ? Avec une fausse nouvelle. Démentie le lendemain. Très bon, très bon. J'y penserai. Bien, il se fait tard, mon ministre m'attend. Monsieur le comte. Nous nous reverrons bientôt, je pense. Ainsi, vraiment, la comtesse de Morcerf est contraire à ce mariage. À ce point que la baronne vient rarement à la maison et que ma mère n'a pas été deux fois dans sa vie chez Madame Danglars. Ceci m'encourage à vous parler à cœur ouvert. Voilà, j'ai projeté de réunir, dans ma maison de campagne d'Auteuil, Monsieur et Madame Danglars, Monsieur et Madame de Villefort et quelques autres personnes. Si je vous invite à ce dîner, ainsi que le comte et la comtesse de Morcerf, cela n'aura-t-il pas l'air d'une espèce de rendez-vous matrimonial ? Je ne voudrais pas contrarier votre mère, je tiens à rester au mieux dans son esprit. Oh, vous y êtes à merveille. Nous avons l'autre jour causé une heure de vous. Ah, bien. Pour le dîner, songez à vous munir d'un engagement antérieur qui justifiera votre absence. La réunion est fixée à samedi. Ma mère veut aller respirer pendant quelques jours l'air de la mer. Demain soir, nous partirons pour le Tréport. Qui est-il, Baptistin ? Son Excellence m'avait demandé de l'avertir dès que ce visiteur serait arrivé. Ah, merci. Je ne voudrais pas vous importuner davantage. Non. J'attendais Monsieur le Major Bartolomeo Cavalcanti, un homme de la plus vieille noblesse d'Italie. Il m'amène ce soir son fils Andrea. Il me le confie. Je le pousserai s'il a quelques mérites. Vous m'aiderez, n'est-ce pas ? Sans doute. Ah, j'oubliais. J'ai reçu des nouvelles de Franz d'Épinay. Ah. Il est toujours en Italie. Charmant jeune homme. C'est, je crois, le fils du général d'Épinay qui a été si misérablement assassiné en 1815. Oui, par les bonapartistes. Il doit épouser Mademoiselle de Villefort. Et pourquoi riez-vous ? Parce qu'il me semble avoir autant de sympathie pour le mariage que moi. Ah, comte, quel service vous me rendriez si, grâce à vous, je restais garçon, ne fût-ce que 10 ans. Tout est possible. Je ne voudrais pas faire attendre davantage votre visiteur. Permettez-moi de me retirer. Je vous en prie. Je vais annoncer à ma mère que nous partons pour le Tréport. Monsieur Bertuccio, vous saurez que je reçois samedi dans ma maison d'Auteuil. Bien, monsieur. J'ai besoin de vous pour que tout soit préparé convenablement. Cette maison peut être fort belle. Il faudrait tout changer, monsieur le comte. Eh bien, changez donc tout. Ah, à l'exception de la chambre à coucher de Dama Rouge. Vous la laisserez même absolument comme elle est. Et vous ne toucherez pas au jardin non plus. Je ferai tout mon possible pour que monsieur le comte soit content. Parfait. Ordre, Excellence. Faites entrer, monsieur le major Cavalcanti. Bien, Excellence. Monsieur le major, s'il vous plaît. Monsieur le comte. Ah, cher monsieur. Soyez le bienvenu, je vous attendais. Tant mieux. Vous êtes bien, monsieur le comte Bartolomeo Cavalcanti, ex-major au service d'Autriche. Je ne demande pas mieux, moi. Vous comprenez que... Vous m'êtes adressé par cet excellent abbé Busoni et vous avez une lettre de lui. Si, la voilà. Monsieur le major Cavalcanti de Lucca, descendant des Cavalcanti de Florence et jouissant d'une fortune d'un demi-million de revenus... Il y a écrit... Un demi-million ? Oui, en toutes lettres, oui. L'abbé connaît toutes les grandes fortunes d'Europe. va pour un demi-million de revenus. Et auquel il ne manquerait pour être heureux que de retrouver son fils Andrea, enlevé dans sa jeunesse par des bohémiens. À l'âge de 5 ans. Ah, pauvre père. Je lui rends l'avis, monsieur le comte, en lui annonçant que ce fils, vous pouvez le lui faire retrouver. Ah. Pour ne point causer au major Cavalcanti l'embarras de déplacer des fonds chez son banquier, je lui envoie une traite de 2000 francs pour ses frais de voyage et le crédit sur vous de la somme de 48 000 francs que vous restez me redevoir. Ah, très bien, très bien. Oui, oui, nous sommes en compte, l'abbé Bouzoni et moi. De sorte que vous me remettrez ces 48 000 francs. À votre première réquisition. Qu'y a-t-il encore, Baptistin? Excusez-moi, Excellence, le jeune homme est là, dans le salon bleu. Bien, faites-le attendre. Bien, Excellence. Ainsi, monsieur, vous habitiez Luc. Vous étiez riche. Vous êtes noble. Vous jouissiez de la considération générale. Vous aviez tout ce qui peut rendre un homme heureux. Et il ne manquait qu'une chose à votre bonheur, retrouver votre enfant. Si, si. Mais on m'avait dit que vous étiez célibataire. On les croyait. Et moi-même, je les croyais aussi. Oui. Oui, vous aviez accrédité ce bruit. Un péché de jeunesse que vous vouliez cacher à tous les yeux, pas pour vous, car un homme est au-dessus de ces choses-là, mais pour la mère. Voilà, pour la mère. Bien. Qui appartenait à l'une des premières familles d'Italie, je crois, la marquise Olivia Corsinari, n'est-ce pas? Si. Que vous avez fini par épouser, cependant, malgré les oppositions de la famille. Mon Dieu, oui, j'ai fini par là. Très bien. Et vous apportez vos papiers bien en règle. Quel papier? Mais comment, votre acte de mariage et l'acte de naissance de l'enfant, Andrea Cavalcanti, c'est bien Andrea qu'elle s'appelle, non? Je crois que oui. Comment vous croyez? Dame, il y a si longtemps qu'il est perdu, je n'ose l'affirmer. Oui, c'est juste, oui. Enfin, vous avez tous ces papiers. Bah, monsieur le comte, n'étant pas prévenu, j'ai négligé de les prendre avec moi. Ah? Sont-ils nécessaires? Indispensables. Pour le jeune homme, à qui il pourrait faire manquer un riche mariage. Oh, peccato. Enfin, heureusement que je les ai, moi. Par exemple. Eh oui, l'abbé Bouzoni a songé pour vous. C'est un homme de précaution. Oh, c'est un homme admirable. Il vous les a envoyés. Oui, les voici. Le certificat de mariage si. Et l'acte de baptême d'Andrea Cavalcanti. Tout est en règle. Prenez ces papiers, vous les donnerez à votre fils qui les gardera soigneusement. Je les lui recommanderai. Bien. Ah, maintenant, quant à la mère du jeune homme. Ah oui, la mère. Oui. Elle est morte depuis 10 ans. Et je la pleure encore, monsieur. Autre chose, il est inutile qu'on sache que vous êtes séparé de votre fils depuis 15 ans. Toutes ces histoires de bohémiens qui enlèvent les enfants n'ont pas de vogue chez nous. Vous l'avez envoyé faire son éducation dans un collège de province et vous voulez qu'il achève cette éducation dans le monde parisien. Je comprends. Bien, maintenant que tout est arrêté, que vos souvenirs remis à neuf ne vous trahiront pas, vous avez deviné sans doute que je vous ménage une surprise. Agréable? Pour un père. Votre enfant, votre fils... Votre Andrea est ici. Ah, molto bene, molto bene. N'est-ce pas? Au cas où la voix du sang resterait muette, il n'y aurait pas à vous tromper. Il entrera par cette porte. C'est un beau jeune homme blond, un peu trop blond peut-être. De manière prévenante, vous verrez. À propos... Oui? Vous savez que je n'ai emporté avec moi que les 2000 francs que ce bon ami Bouzoni m'avait fait passer... Là-dessous, j'ai fait des voyages, et puis j'ai... Et puis, vous avez besoin d'argent. Si. C'est trop juste, cher monsieur Cavalcanti. Tenez, voici pour faire un compte 8 billets de 1000 francs. Je vous dois encore 40 000 francs. Grazie, grazie mille. Mais votre excellence veut-elle un reçu? À quoi bon? Entre honnêtes gens, ces précautions sont inutiles. Ah oui, c'est vrai. Entre honnêtes gens. Ah, un dernier mot, comte. Il n'y aurait pas de mal à ce que vous quittiez cette redingote. Vraiment? À Paris, il y a déjà longtemps que ce costume, quelque élégant qu'il soit, a passé de mode. Ah, que c'est fâcheux. Que maîtresse. Eh bien, ce que vous trouverez dans vos malles. Comment dans mes malles? Je n'ai qu'un portemanteau. Avec vous, oui, sans doute. Mais vous êtes major, un homme de précaution, et vous avez envoyé vos malles en avant. Ah, bon. Elles sont arrivées hier à l'Hôtel des Princes, rue de Richelieu. C'est là que vous avez retenu votre logement. Ah, molto bene, si. Alors, dans ces malles... Je présume que vous y avez fait enfermer par votre valet de chambre tout ce qu'il vous faut. Habit de ville, habit d'uniforme. Dans les grandes circonstances, vous mettrez l'habit d'uniforme, cela fait bien. Ah, n'oubliez pas votre croix. On s'en moque encore en France, mais on en porte toujours. Molto bene, molto bene. Bien, et maintenant que votre cœur est affermi contre les émotions trop vives, préparez-vous, cher monsieur Cavalcanti, à revoir votre fils, Andrea. Mon fils? Je vais le chercher et je vous l'amène. C'était Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 19e épisode, Le Major Cavalcanti. Avec Edmond Dantès, alias Monte-Cristo, Pierre Santini. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Château Renaud, François Marié. Lucien Debray, Gilles Billot. La Baronne d'Anglars, Claire Morier. Eugénie d'Anglars, Juliette Berthaud. Le Comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Haïdé, Catherine Vichniakoff. Baptistin, Jacques Maire. Bertuccio, André Weber. Le Major Cavalcanti, Jean Péméja. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 6 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre demain à la même heure.